Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette grande édition du Journal Parler en français pour ce 2 février 2018. Voici les grands titres. Monseigneur Jean-Louis Nahimana trouve que l'origine des conflits au Burundi n'est pas de nature ethnique, mais il découle d'un leadership politique qui a voulu asseoir son pouvoir sur la politique de diviser pour régner. Il a donné une conférence aujourd'hui en prélude à la célébration du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, qui intervient le 5 février prochain, ce sera lundi. Et la police burundaise ne confirme ni infirme qu'il y aurait des malfaiteurs déjà identifiés parmi les réfugiés congolais qui arrivent au sud du pays depuis la semaine dernière. Mais le porte-parole du ministère de la Sécurité publique précise que des enquêtes restent en cours pour tout réfugié entrant. Et nous aurons également des précisions sur notre envoyé spécial sur la vie que mènent ces réfugiés dans le centre de transit de Gitara, en commune Mabanda. C'est dans la province de Makamba. Et puis, dans ce journal également, l'utilisation des sachets dans la conservation de la nourriture, surtout sous prétexte de la garder chaude, et cela peut avoir des conséquences sur la santé humaine. Nous aurons des explications dans ce liste. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sécurité pour ouvrir ce journal. Une femme de 40 ans a été retrouvée morte ce jeudi sur la colline Témé de la commune Bouguenouzi, c'est en province Karouzi. Visiblement, elle a été poignardée de plusieurs coups. Les autorités policières et l'administrateur disent avoir déjà arrêté son mari qui avait passé la nuit chez sa concubine. Elle fait la deuxième personne tuée dans une période de moins d'une semaine. Les détails dans cette correspondance de Blaise Pascal Karoumi. Le corps sans vie de Nyendakumana Spes de 40 ans a été retrouvé ce jeudi à la colline Témé de la commune Bouguenouzi, province Karoutchi, là où elle résidait non loin de son ménage. Le commissaire provincial de la police indique que cette mère a été tuée, poignardée à coups de gourdin au niveau de la tête, et il fait indiquer qu'elle était portée disparue depuis son mardi. C'est son mari Dino de Havonimana Serge qui a été ce jeudi arrêté par la police pour des raisons d'enquête, comme l'affirme le commissaire provincial de la police. Les sources sur place de fond indiquent que la défunte était plusieurs fois menacée par son mari et sa deuxième femme. Ce qui est confirmé par le commissaire provincial qui fait savoir que Abonimana Serge et sa deuxième femme avaient même récolté les cultures de champ de Nyendakumana, la victime. Celle-ci fait la deuxième personne tuée dans moins d'une semaine après un certain Dalé Meyedoma qui a été tué aussi à coup de gourdin à la colline Gitanga de la commune Bouhiga le samedi passé. Et 5 personnes ont été arrêtées dont le chef de colline. Depuis Karoutchi, Blaise Pascal Karoumié pour Radio Isanganiro. Et un homme du nom d'Onzoï Sabamatia a été retrouvé mort sur la colline Nende à Gisuru, en province de Ruyigi, selon des informations données par le porte-parole de la police. Il se serait suicidé en se pendant et il était enseignant, âgé de 47 ans. Je vous l'avais dit dans les titres, la police burundaise rejette toute information faisant état d'une trentaine de réfugiés congolais qui ont été isolés pour enquête. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique indique que les enquêtes préliminaires ont été menées de la même manière pour tout réfugié. Pierre Mourikié ne confirme ni infirme qu'il y aurait un malfaiteur déjà identifié, mais affirme que des enquêtes restent en cours pour tout réfugié entrant et qu'au cas où il y aurait un malfaiteur, il sera confié aux instances habilitées. Suivez Pierre Mourikié, joint au téléphone par Placide Niyomongere. Ce sont des rumeurs. Il n'y a pas eu des gens qui ont été isolés parmi les réfugiés. Les seules personnes dont on dirait qu'ils ont été mis à part, c'était 4 personnes qui étaient venues avec des blessures, qui avaient été blessées. Celles-là, ils ont été acheminés vers les structures de soins pour les premiers soins. Est-ce que pour le moment, avec vos enquêtes, on pourra dire qu'un malfaiteur qui a été identifié? Pour le moment, on peut dire que le travail de la police d'enquête se poursuit chaque fois qu'il y a un nouveau cas d'arrivant. Chaque fois qu'il y a l'un ou l'autre malfaiteur qui est identifié, eh bien, il est pris comme un malfaiteur et un dossier pénal est confectionné à son encontre, puis transmis aux instances habilitées. Tout ne se dit pas. C'est en train tâche de faire pour que ces malfaiteurs ne franchissent le sort burundais? Redoubler de vigilance. On est en collaboration avec nos confrères, les militaires qui normalement gardent les frontières, mais également en collaborant avec nos collègues congolais, mais aussi en collaborant avec tous les Burundais, toute la population, pour que le pays soit protégé contre d'éventuels criminels qui pourraient parvenir au territoire du Burundi via le lac Tanganyika. C'était le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye. Certains des réfugiés congolais se trouvant au centre de transit de Guitara, en commune Mabanda, nous sommes là en province Makamba. Ils se disent satisfaits de la vie qu'ils y mènent. D'autres, par contre, se plaignent de la façon dont ils sont nourris. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Gertrude Pawinay. Nous sommes au centre de transit des réfugiés congolais se trouvant à Guitara, en commune Mabanda de la province Makamba. Ils sont constitués par les enfants, les adultes, les hommes, les femmes et même les vieillards. Certains de ces réfugiés sont en train de dialoguer dans l'une de leur langue locale. D'autres sont alignés pour une identification faite par la PAF avant d'avoir l'autorisation d'aller dans les camps de réfugiés. Kiza Ramadan Ross, un de ces réfugiés congolais habitant du sud Kivu, apprécie la façon dont il a été accueilli au Burundi. En tout cas, j'ai bel bien apprécié lorsque le gouvernement burundais m'a accueilli. La vie ici, c'est bien seulement. On vous nourrit, vous avez de l'eau, vous avez tout le nécessaire. Tout cela, nous mangeons très bien, nous nous barbouillons, c'est-à-dire compte tenu de l'eau, c'est bien, un logement, c'est bien. Ce que je peux demander seulement au gouvernement burundais et que seulement pour que je sois satisfait, je demande au gouvernement burundais qu'elle puisse nous rendre une bonne service, qu'elle puisse nous mettre comme la population de son pays, comme si nous étions chez nous, c'est le massa. En tout cas, je mets ça à l'aise, compte tenu de la sécurité, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Al-Asmani, habitant du village de Dine, en République démocratique du Congo, remercie la ACR pour avoir aménagé le site d'accueil de Guitara. Je suis dans le camp des réfugiés à Mabanda. Concernant cet camp, je peux remercier les ACR de leur prochainement. Nous mangeons, nous buvons, nous dormons sans problème. C'est-à-dire que je suis satisfait avec cette préparation de ACR avec notre gouvernement de Burundi. Nous sommes bien plus que là au Congo. Cependant, certains de ces réfugiés disent avoir des difficultés liées à la nourriture qu'on leur donne, qui est constituée d'un mélange de haricots et de choux qu'ils mangent avec la pâte de maïs. Ils se plaignent qu'ils n'étaient pas habitués à une telle alimentation et que des fois ils attrapent la diarrhée à cause de cette nourriture. Après identification, ces réfugiés sont transférés dans 4 camps de réfugiés de local de Kinama en commune Gasogwe de la province Muyinga, le camp de Moussassa en commune Kiremba, province Ngozi, celui de Kavumu en province Tchankuzo et celui de Bwagiriza en commune Butezi de la province de Ruyigi. Depuis le site de Guitara en commune Mabanda de la province Makamba, je suis de Mawenayo pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'utilisation des sachets comme moyen de conservation de la nourriture chaude peut avoir des conséquences sur la santé humaine. C'est une explication de François Nitereka, chimiste, qui dit que la chaleur des aliments provoque la fonte des composants de sachets qui s'infiltrent dans cette nourriture, occasionnant par la suite des maladies comme le cancer. Suivez-le. Pour fabriquer les sachets, la matière première, c'est le pétrole. Après la fraction, on obtient par exemple le fuel, le mazout, l'essence. Mais à côté de ces produits que l'on utilise le plus souvent ici même chez nous, il y a les résidus qui sont valorisés par les industriels en fabriquant les sachets. Ça coûte partie moins chère. Comme les sachets sont constitués par des composés organochlorés qui sont très très toxiques à l'homme, si vous couvrez ces sachets, un repas qui vient d'être préparé suite à la chaleur qui vient de l'aliment, le sachet est chauffé et il y a le phénomène d'absorption. Les composés organochlorés quittent le sachet et sont absorbés par l'aliment. Si vous consommez cet aliment à la longue, il y a le phénomène de bioaccumulation qui se produit dans l'organisme et si l'organisme atteint la dose létale, il y a apparition de certaines maladies telles que le cancer, les maladies épidémiques. Donc, il faut bannir cette pratique d'utiliser les sachets pour conserver les aliments qui viennent d'être cuisinés. Voilà, c'était Nitereka François. Il est chimiste et ses explications sont données après le constat que des cuisiniers de la ville de Bujumbura emballent de la nourriture dans des sachets. Le ministère des Finances annonce la collecte de plus de 753 milliards de francs burundais sur 720 milliards qui étaient attendus. Le ministre des Finances qui fait cette annonce précise que c'est sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2017. Domitien Diokougaïo présentait ce vendredi les réalisations de son ministère pour l'année 2017. Et l'origine des conflits au Burundi n'est pas de nature ethnique, mais il découle d'un leadership politique qui a voulu asseoir son pouvoir sur la politique de diviser pour régner. C'est en tout cas le point de vue de Mgr Jean-Louis Nahimana dans une conférence intitulée « Problématique de l'unité à travers les âges et la culture ». Cette conférence a été donnée ce vendredi dans le cadre de la commémoration du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale qui intervient le 5 février prochain. Selon lui, un grand nombre de Burundais n'ont pas suivi les enseignements de la haine car il a été constaté au cours des différentes crises qu'a connu le pays que beaucoup de Burundais ont caché leurs voisins au prix de leur vie. Voilà, c'est le fond de l'actualité nationale. Avant de nous séparer, on prend sur l'actualité africaine. Il se tient ce vendredi à Dakar une grande conférence mondiale pour financer l'éducation, le partenariat mondial pour l'éducation, 3e édition, présidée par les chefs d'État Macky Sall, le Sénégalais, et Emmanuel Macron, français, qui effectue d'ailleurs une visite officielle au Sénégal. 65 pays en développement bénéficient de ce fonds. L'objectif affiché à Dakar, c'est lever 3 milliards de dollars dans la continuité des engagements annoncés à Ouagadougou en novembre dernier. Emmanuel Macron cherche désormais à les appliquer sur le terrain. Au total, ce sont 264 millions d'enfants à travers le monde qui ne peuvent pas aller à l'école. Un problème qui touche 65 pays, mais qui concerne l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est pour cela que le partenariat mondial pour l'éducation a été créé en 2002 pour soutenir la scolarisation des enfants. Sept chefs d'État africains sont attendus à Dakar. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. François Akimana, la mise en onde au micro Jean Bosco Nouimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi à l'écoute de nos programmes.